23, 26. Activation orale, suture. Répondez selon l'exemple. Vous entendez ? 1. Je vais téléphoner tout de suite. Vous dites ? Non, tu téléphoneras plus tard. Bon, allons-y. 2. Je vais finir tout de suite. Non, tu finiras plus tard. 3. Tu vas finir tout de suite? Non, je finirai plus tard. 4. Vous allez finir tout de suite? Non, nous finirons plus tard. 5. Ils vont partir tout de suite? Non, ils partiront plus tard. 6. Nous allons partir. Nous partirons. 7. On va manger tout de suite? Non, on mangera plus tard. 8. Tu vas apprendre ta leçon tout de suite? Non, je l'apprendrai plus tard. 9. Tu vas rentrer tout de suite? Non, je rentrerai plus tard. 10. Vous allez vous décider tout de suite? Non, nous nous déciderons plus tard.